18-24, activation orale, impératif négatif et pronom. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? Oh, tu me déranges. Et vous dites? Ne me dérange pas. 2. Tu ennuies Mireille. Ne l'ennuie pas. 3. Tu ennuies tes sœurs. Ne les ennuie pas. 4. Tu nous embêtes. Ne nous embête pas. 5. Tu m'embêtes. Ne m'embête pas. 6. Tu déranges ton père, voyons. Ne le dérange pas.